Yesterday, I spoke about the four guardian meditations that provide protection during the practice. And the protection of the recollection of the Buddha, the protection of loving kindness, the protection of asupa bhavana, seeing the foul nature of our own bodies, and maranasati, the recollection of death. So at this point, I need to speak about the practice that we are doing. If we don't know the method of practice, then we have to learn it. And we learn it by hearing about it or by reading, discussing. And so we've been learning about the practice already since the beginning and discussing also in the interviews. Donc hier, nous avons parlé des quatre méditations protectrices qui nous protègent durant notre pratique. La première, c'était la réminiscence des qualités du Bouddha. La deuxième, c'était l'amour bienveillant, metta. La troisième, c'était asubha bhavana, donc la contemplation du caractère repoussant de nos corps. Et la quatrième, c'était maranasati, la contemplation de la mort. À présent, l'heure est arrivée de parler de la pratique. Si on ne connaît pas la pratique, soit on l'apprend par ouï-dire, soit on apprend au travers de discussions. Ici, nous avons déjà fait les deux depuis le début de cette retraite. La pratique que l'on suit donc consiste à l'assise à placer notre attention sur le corps, sur le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, du début à la fin, en appliquant l'effort et l'application de l'esprit, le fait de viser l'objet. On essaye d'observer l'objet prédominant, et à force de l'observer, notre attention devient continue et forte. Lorsqu'on pratique la marche, on observe les jambes, et on observe aussi le moment où on tourne, ou bien lorsqu'on se tient debout. Et lorsqu'on exécute nos activités quotidiennes, on porte notre attention sur tous les mouvements. Pourquoi les mouvements? Parce que c'est eux qui sont les plus évidents. Pourquoi est-ce qu'il faut appliquer l'effort quand on cherche à observer l'objet primaire? Parce que notre esprit n'est pas encore entraîné. Et si on ne le faisait pas, notre esprit irait vers les objets auxquels il est habitué d'aller et vers les objets qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Donc il faut qu'on entraîne notre attention, elle doit être entraînée. Si on ne fait pas d'effort, on va tomber dans la paresse, et si on tombe dans la paresse, les états d'esprit négatifs vont se manifester. Donc à chaque fois, il faut qu'on observe l'objet primaire, qu'on ramène l'attention à l'objet primaire, et aussi qu'on prête attention aux autres objets qui apparaissent dans le champ de la conscience. La base scripturale pour la pratique que l'on fait, c'est le Satipatthana Sutta. C'est ce sutta qu'on récite tous les jours après le Dhammatok, ou en tout cas sa principale partie. C'est ce sutta qui commence par Kaye Kayanupassi Viharati, etc. On voit dans la partie qu'on récite qu'il y a quatre types d'objets principaux. Ces quatre types d'objets sont notre champ d'observation, pour ainsi dire. Donc il y a d'abord Kaya, le corps physique. Par exemple, lorsqu'on observe le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, on observe Kaya. Ensuite, il y a Vedana, les ressentis, qui peuvent être plaisants, déplaisants ou neutres. Ensuite, il y a Citta, l'esprit, par exemple l'esprit avide, l'esprit en colère, l'esprit confus, l'esprit apaisé, tout cela sont des types d'esprit. Et enfin, Dhamma, la dernière catégorie, ça ce sont les objets généraux, mais pour simplifier on peut dire que c'est le processus d'entendre, de voir, de goûter, de toucher, etc. Alors la première catégorie, Kaya, c'est uniquement physique. Mais les deux suivantes, Vedana et Citta, c'est mental. Et la dernière, Dhamma, c'est à la fois physique et mental. Quand Kaya est prédominant, on observe Kaya. Quand le corps est prédominant, donc, on observe le corps. Quand les ressentis sont prédominants, on observe les ressentis. Quand les consciences citta sont prédominantes, on les observe. Par exemple, si on est déprimé ou en détresse ou bien en colère, etc. Quand c'est vraiment évident, on observe cet objet-là d'abord. Quand ce sont les dhammas qui sont prédominants, donc les processus d'entendre, de voir, de toucher, de sentir, etc., eh bien, on note ces processus. En fait, on ne pourrait pas choisir un seul des quatre et s'y tenir. C'est pas possible. Parce que une des règles de base de la pratique de Vipassana, c'est qu'on note l'objet qui est prédominant. De ces quatre types, le plus simple à observer, c'est Kaya, le corps. C'est un très, très grand champ d'observation, en fait. C'est une très vaste catégorie. Et à l'intérieur de cette catégorie générale, il y a des choses plus spécifiques à observer. C'est ce qu'on veut dire aussi quand on dit la phrase Kayé Kayanupassi, on observe le corps dans le corps. Donc Kaya, le corps, c'est ce corps humain. C'est quelque chose qui est fait de différentes parties. Et ça possède aussi toutes sortes de qualités, comme la dureté, la douceur, la raideur, le mouvement, la légèreté, le caractère gluant ou collant, le caractère coulant, la chaleur, le froid, etc. Ces qualités donc sont quelque chose de solide. C'est quelque chose, Kaya, qui est fait de plusieurs particules. Et c'est pour cette raison qu'on appelle ça Kaya. Donc quand on expérimente la raideur, en fait, ce n'est pas seulement un objet solide qu'on expérimente. En fait, il y a plusieurs parties dans cette raideur. Il y a toutes sortes de petites particules de raideur. Il en va de même pour la tension. C'est pas quelque chose de simplement quelque chose de solide. C'est constitué de toutes sortes de particules de tension. La même chose vaut pour la solidité ou pour la douceur, etc., etc. Ce ne sont pas simplement des choses solides. Ces qualités physiques, ces qualités du corps deviennent évidentes quand on pratique, par exemple, le lever ou le avancer ou placer le pied. En termes techniques, la matière est constituée de quatre grands éléments, la terre, le feu, l'eau et l'air. Et quand on expérimente, quand on ressent la solidité ou bien la douceur, en fait, on expérimente la manifestation de l'élément terre. Lorsqu'on ressent la raideur, la tension, le mouvement ou des vibrations, par exemple, eh bien, en fait, c'est l'élément air qui se manifeste et qu'on peut ressentir. Lorsqu'on ressent de la chaleur, du froid ou de la légèreté, c'est l'élément feu qui se manifeste. Et enfin, tout ce qui est coulé, collé, la solidité et la lourdeur aussi, c'est l'élément eau. On ressent ces quatre éléments donc sous la forme de différentes qualités. Alors j'aimerais bien faire une petite digression. Les différents organes humains peuvent être catégorisés comme étant principalement composés d'un des quatre éléments. Par exemple, les cheveux sont considérés comme étant principalement composés de terre. Et il en va de même des ongles, de la peau, des muscles, des os, des dents, du cœur, du foie, etc. Tous ces organes ou toutes ces parties du corps sont considérées comme étant principalement constituées de terre. Ça veut dire en fait qu'elles, quand on les ressent, elles se manifestent essentiellement comme dures ou douces. Et selon les écritures bouddhistes, il y a 20 parties du corps qui ressortent de l'élémentaire. Et enfin, il y a 6 types de vents d'air, donc, qui sont répertoriés par les textes bouddhistes. Il y a celui qui voyage vers le haut, il y a le vent qui voyage vers le bas, il y a le vent qui voyage à travers les membres, je ne me souviens pas de tous. Chaque fois que l'on bouge, l'élément air est très évident. C'est la raison pour laquelle on observe le lever et l'abaissement de l'abdomen quand on est assis et qu'on observe le mouvement quand on est en marche, parce que très vite, l'élément vent, l'élément air devient évident. Pour récapituler, le corps est constitué de matière et d'esprit, et des deux, le plus simple à observer dans la méditation, c'est la matière. Et comme cette pratique que l'on fait consiste à observer ce qui est le plus évident, on choisit d'observer d'abord la matière. Et à l'intérieur de la matière, à l'intérieur de la matérialité, il y a donc les quatre éléments. Et des quatre éléments, le plus simple, le plus évident à observer, c'est l'élément air. On doit commencer par ce qui est facile dans cette pratique avant de faire ce qui est difficile. Ces quatre éléments, ils ne sont pas séparés. Ils se produisent simultanément. Par exemple, vous pouvez ressentir du mouvement, mais vous pouvez être conscient en même temps que c'est chaud. Comment est-ce qu'on doit observer? Donc, il est dit, la phrase, c'est kayé kayanupassi, observer le corps dans le corps. Ça veut dire qu'on observe kaya comme kaya, le corps comme étant kaya. On n'observe pas le corps comme étant le ressenti vedana, ou bien les consciences, citta, ou bien les objets généraux, dhamma. On observe kaya tel qu'il est. Ça veut dire, par exemple, quand l'abdomen se soulève, on observe le soulèvement tel qu'il est, l'abaissement tel qu'il est. Le fait de se pencher, on l'observe tel qu'il est. Le fait d'étendre un membre aussi, on observe ça tel que c'est. Lever, avancer, placer le pied, on observe tout ça tel que c'est. Et on utilise aussi des noms, des labels du langage de tous les jours. Donc on appelle soulèvement, on appelle ça soulèvement. Quand on commence à pratiquer, on place l'esprit sur le corps, dans le corps, et quand on observe ainsi, on commence à voir. Et qu'est-ce qu'on voit? Il y a trois niveaux qui sont décrits. Ces trois niveaux, le premier, c'est au niveau de la forme. Donc on voit, on observe par exemple l'abdomen, et on le voit comme étant rond, par exemple, comme étant arrondi, par exemple. C'est juste un exemple. Le deuxième niveau d'observation, on observe la manière ou la position. Par exemple, si le bras est replié, c'est sa manière, c'est sa position. Ou s'il est étendu, c'est sa manière ou sa position. Sayalé dit, voilà, si maintenant je suis assise, quelle est la manière, quelle est la position? Ben, c'est assis. Debout, c'est la même chose, c'est la manière ou la position. Et le troisième niveau, c'est la véritable nature. Donc c'est les caractéristiques individuelles, uniques, de chaque chose qu'on observe. Donc, en termes de ce qui est réellement là, en termes de ce qui est réellement présent, les deux premiers niveaux sont des concepts. Et le troisième niveau seulement est la réalité ultime, la véritable nature des choses. Quand on observe, on essaye de nous orienter vers d'atteindre ce troisième niveau, on essaie de s'entraîner, d'entraîner notre esprit à devenir suffisamment aiguisé que pour parvenir à ce troisième niveau. Alors, qu'est-ce que c'est par exemple la véritable nature? Eh bien, c'est la raideur, le fait de couler, le caractère collant, le caractère solide, la chaleur, etc. Tout ce qu'on a cité auparavant. Ça, c'est pour le corps. Mais pour l'esprit aussi, il y a quelques exemples de véritable nature. Par exemple, la véritable nature de l'esprit, c'est de connaître. La véritable nature des consciences, c'est de connaître. C'est sa marque individuelle. La véritable nature de Vedana, donc des ressentis, c'est le fait de sentir, justement, de ressentir, que ce soit plaisant, neutre ou agréable. Il y a aussi le contact. Le contact, c'est quand la vision se produit et que la base de l'œil rencontre l'objet visible. Ça, c'est le contact. Il y a aussi la perception. Les perceptions, c'est reconnaître ce qu'on a déjà vu dans le passé. Et c'est aussi quelque chose qui appartient donc à l'esprit, au mental. Lorsqu'on observe dans la méditation, on devrait toujours voir à l'un de ces trois niveaux. En fait, il n'est pas réaliste de penser qu'on puisse être capable de voir directement, immédiatement, la véritable nature des choses. D'abord, quand on commence la pratique, on voit au travers de concepts. Mais quand on pratique, on devrait au moins voir le premier niveau, c'est-à-dire la forme. Si on parvient à voir l'objet sous cette forme-là, c'est déjà très bien. Parce que si on parvient à rester avec l'objet, même en le voyant sous sa forme, sous la forme d'un concept, l'esprit n'ira pas ailleurs. Nous devrions accepter la façon dont on observe les choses, même si c'est au travers de concepts, on devrait l'accepter parce que c'est ainsi que l'esprit est en ce moment-là. Et c'est assez réaliste aussi qu'on commence par voir à travers la forme et la manière. Peut-être mélanger avec quelques éléments, quelques parties de la réalité ultime. Mais voilà, donc il faut commencer par là. On va prendre un exemple. Fermez les yeux et fermez votre poing. Placez votre attention sur ce poing fermé et serrez-le aussi fort que possible. Qu'est-ce que vous observez quand vous fermez le poing de cette façon? Est-ce que vous voyez la forme du poing? Est-ce que vous voyez la manière, c'est-à-dire la façon dont il est fermé? Ou alors est-ce que ce sont les qualités, par exemple la tension, la douceur, la dureté, etc. Gardez votre poing fermé pour encore 1 minute, s'il vous plaît. On observe en général ce qu'on fait dans la méditation et on sait ce qui est évident. Donc, est-ce que, par exemple, ici, vous voyez qu'il est rond? Est-ce que vous voyez sa manière? Alors que vous le serrez le poing, est-ce que ça offre un bon ressenti? Donc, est-ce que, en serrant le poing aussi fort que vous le pouvez, est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est désagréable, ou est-ce que c'est juste ainsi que vont les choses, une sensation neutre, ce qui n'est pas très probable. C'est ça qu'on entend donc par Vedana, le ressenti, la qualité de ce qui est plaisant ou déplaisant. À présent, ouvrez votre poing, progressivement, en un doigt après l'autre. Alors que vous ouvrez graduellement votre poing, la tension qui était là est progressivement relâchée. Vous observez donc un changement de qualité. Et quel est votre ressenti? Comment est-ce que vous ressentez ça? Est-ce que c'est agréable? C'est juste pour illustrer comment on peut voir à différents niveaux. Lorsqu'on applique l'attention. Quand on observe l'objet, l'esprit devrait au moins être capable de rester avec l'objet d'une de ces trois façons, à un de ces trois niveaux. Dans la pratique, on devra observer de très nombreuses fois. D'abord, ce sera au niveau conceptuel. Mais alors qu'on observe, par exemple, le soulèvement et l'abaissement de manière répétée, encore et encore, graduellement, on va parvenir à voir de plus en plus la véritable nature des choses. Et à ce moment-là, quand la véritable nature des choses se manifestera de plus en plus, le niveau conceptuel va tomber de lui-même. Ainsi, par exemple, pour le poing, on n'observe plus que c'est une main ou que c'est un poing. On observe seulement les qualités. Donc Sabhava Lakana, c'est par exemple la dureté ou la douceur, ou bien l'esprit qui sait, la véritable nature. Donc la deuxième caractéristique, c'est Sankhata Lakana. C'est ce qu'on peut appeler composé. Toute chose a un début, un milieu et une fin. Et c'est ça qu'on entend donc par ce nom de Sankhata Lakana, caractéristique de composé. Donc, Samanya Lakana, par exemple, une caractéristique qui est commune à toutes les choses, c'est qu'elles apparaissent et qu'elles disparaissent, qu'elles ne sont pas permanentes. Tout ce qu'on observe, est impermanent. Alors, ce qui apparaît et puis disparaît, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui soit bon, c'est insatisfaisant. Et ça, c'est la seconde caractéristique, la seconde Samanya Lakana, celle de dukkha, la souffrance. La troisième caractéristique, le troisième type, c'est le fait qu'on ne contrôle pas ces choses qui apparaissent. Ce sont seulement des processus vides qui n'ont pas, qui sont dépourvus d'un moi. Et cette caractéristique en pali, anatta. Ce n'est que si on parvient à voir la deuxième caractéristique, donc la caractéristique sankhata composée, qu'on pourra voir cette troisième caractéristique universelle. Et donc, il n'est pas réaliste de penser qu'on puisse tout de suite voir la troisième caractéristique. Ça veut dire qu'on doit, pour pouvoir voir ces trois caractéristiques de anicca, dukkha, anatta, il faut d'abord qu'on puisse voir sankhata, lakana, le fait que les choses ont un début, un milieu et une fin. Et c'est surtout quand on voit que les choses ont une fin qu'on réalise l'impermanence des choses. Donc il faut d'abord passer par là. Et plus avant, avant de voir que les choses ont un début, un milieu et une fin, avant de voir donc sankhata lakana, il faut qu'on voit sabhava lakana, donc la nature réelle des choses, par exemple dureté, solidité, douceur, chaleur, etc. Voilà, donc il faut voir ce qui est réellement dans l'esprit et dans le corps. Si on parvient à voir ces caractéristiques, naturellement, automatiquement, on va observer les deux autres caractéristiques aussi. Mais donc il faut commencer par voir la nature réelle des choses. Alors comment est-ce qu'il faut procéder? C'est en rendant notre observation aussi précise que possible via l'effort et l'application de l'esprit. Il faut que l'observation soit synchronisée, soit en adéquation avec l'objet. Et si on le fait de manière répétée encore et encore, finalement, notre observation sera suffisamment forte, suffisamment bonne que pour voir ses caractéristiques. Entre-temps, il est important que nous développions la patience. Alors, j'ai essayé d'expliquer aujourd'hui l'aspect théorique que les yogis doivent savoir quand ils pratiquent. J'espère qu'ils pourront appliquer concrètement cette théorie dans leur pratique et qu'ils viendront à connaître ce qui se passe réellement dans le corps et l'esprit et qu'ils pourront obtenir la paix et la liberté. So I've tried to explain today some of the theory that yogis need to know when they practice, and I hope that all of you will be able to apply the practice to come to know what is really happening inside you and to gain peace and freedom through this. Sorry. Sorry. Sorry.